Musique, paroles, écoute. Performance sonore, tous les premiers et troisièmes vendredis du mois, de 21h à 22h, sur Radio Alma, 101.9 FM. Bonsoir et bienvenue à Ich et Nunc, la poésie ici et maintenant sur Radio Alma 101.9, en régie Benjamin Bottel, moi-même Juliette Alaki au micro. Et comme souvent, nous nous retrouvons autour d'un sujet qui frôle les grandes questions de l'écriture. Ce soir, il s'agit de apprendre à apprendre, comment éduquer à la créativité. Une légère provocation se trouve dans notre titre, mais c'est une provocation qui se veut constructive. Entre la nécessité d'offrir un cadre, une structure à la créativité et le sens de liberté qui est associé à celle-ci, il y a peut-être une contradiction. Et c'est une tension qui se retrouve dans des questions très concrètes et très quotidiennes. Quel parent n'a pas hésité à contraindre son enfant à prendre des cours de musique, par exemple? Mais elle se retrouve aussi, en fait, dans des réflexions d'ordre beaucoup plus général sur l'organisation de la société, sur le rôle de l'art et de l'inventive là-dedans, ainsi que pour des questions d'ordre biochimique ou moléculaire. L'envie de traiter ce sujet, elle nous a été rappelée par le démarrage, semaine prochaine, de l'École des Pouvoirs. L'École des Pouvoirs est une entité de la maison d'édition Maelstrom Révolution qui propose des ateliers autour de l'écriture et de l'édition. Benjamin, est-ce que tu voudrais nous décrire un peu plus, donner quelques infos pratiques? En plus, pour ce premier cycle qui sera lancé le 27 février. Des informations pratiques. Des informations pratiques. Donc c'est en fait des cycles qui viennent et qui émergent de la volonté de Maelstrom d'intégrer le contact avec un jeune public, le contact avec les enfants, qui a déjà été expérimenté dans les différents festivals, dans les festivals les trois derniers qui ont été organisés par Maelstrom. À chaque fois, le samedi, il y avait donc cette école des pouvoirs. On veut le pouvoir, mais on a le pouvoir de faire. Nous aussi, on a le pouvoir de... C'est une école des possibles, en fait. Une école des possibles, oui. Plus qu'une école des pouvoirs, ça, certainement. Et donc, voilà, après notre dernier voyage au Liban, où cet aspect-là était aussi très présent, on a été animé des ateliers d'écriture dans des écoles. Des écoles sont venues à nous pour animer des ateliers d'écriture dans une taverne, figure-toi. C'était finalement une ambiance somme toute assez bonne. Et évidemment, le retour, le contexte, tout ce qui a été créé, échangé, était encore une fois très fort. Et tous les auteurs ont été énormément marqués par ce rapport. Bon, évidemment, il y en a qui étaient plus habitués, d'autres qui étaient moins habitués. Mais... Fait entrer aussi la dimension de l'échange, peut-être, non ? L'échange ? Oui, oui, tout à fait. Et aussi, mais ça suit aussi l'idée qu'il y a déjà dans les soirées de la troupe poétique nomade du micro vert, ce qui est de dire au public, oui, vous aussi, vous avez votre place ici, vous avez aussi votre place des choses à exprimer, et peut-être des choses à montrer. Et donc, c'est la tentative d'aider chacun à sortir un peu plus ce qu'il a en lui-même pour être un peu plus conscient de lui-même et peut-être un peu avancer de manière plus sereine dans ce monde. Ouais. Et donc, concrètement, en fait, le premier cycle qui est lancé maintenant le 27 février, ça va se passer en 3 rencontres l'après-midi. Et il y aura une première partie pour les enfants, donc de 6 à 12. 6 à 13 et de 13 à 18. 6 à 12 et de 13 à 18. Ouais. Donc, et la partie pour les enfants est structurée autour de création d'histoire et après de mise en scène avec de la technique du théâtre de l'ombre, théâtre d'ombre. Et par contre, la partie des ados est centrée sur la rencontre avec un auteur. Et on va aborder un peu plus les questions de l'édition aussi, de l'écriture. Donc pour des gens déjà qui sont eux-mêmes capables d'écrire. Et ce soir, on a ici avec nous... En surprise, l'auteur qu'on a choisi pour ce premier cycle d'École des pouvoirs pour ados, donc pour les plus âgés, donc Jamaican, je te donne la bienvenue ici dans le studio de Radio Alma. Merci. Bonsoir. Donc ça, c'est la troisième voix qu'on découvre dans ce petit studio qui envoie ses ondes à Bruxelles. Donc tu vas être premier auteur dans une animation, dans un cycle d'animation. Par contre, pour toi, c'est pas la première fois que tu fais des animations. C'est quelque chose une démarche que tu as déjà fait plusieurs fois ou que tu fais régulièrement dans ta vie. Oui, en effet, je fais des animations dans différents contextes. Déjà, du fait que je sois auteur, j'ai été dans des classes, dans le cadre de l'opération Écrivant en classe. J'ai aussi été faire des ateliers d'écriture, notamment en prison. J'ai été en DEN il y a quelques mois. Comme je suis bibliothécaire de métier, je fais des animations à la bibliothèque aussi. C'est très chouette. Donc ce sont des bibliothèques, c'est une bibliothèque interactive aussi. Oui, puisqu'en fait, disons que il se passe que les bibliothèques publiques, puisque je suis bibliothécaire dans une bibliothèque publique, les bibliothèques publiques sont aussi inspirées par la notion d'éducation permanente qui consiste à émanciper l'individu, l'aider à devenir un citoyen au sens plein du terme, qui puisse avoir une bonne idée, une idée en tout cas aussi juste que possible des ressorts de la société dans laquelle il vit, et donc aussi acquérir les moyens de contribuer à son changement positif. Ouais. Développer des outils pour le développement personnel, en fait. Oui, disons que le développement personnel, mais j'aime bien toujours associer le développement personnel avec un certain contexte socio-historique. Ouais. Donc, tout à fait. Est-ce que tu as envie de présenter ton œuvre en racontant ton œuvre ou en lisant ton œuvre ou disant ton œuvre? Ça revient un peu au même, donc nous allons... je vais simplement, pour introduire, préciser que je suis accompagné par un acolyte, qui est un peu mon compagnon de parole, Antoine Erlemont, qui va, pour la circonstance, m'accompagner à la flûte. Et voilà la quatrième voix qu'on découvre. Bonsoir, je viens avec grand plaisir accompagner une personne qui se bouge pour les autres et voilà que je suis content d'accompagner un petit peu à la flûte aujourd'hui. Donc on va entendre la voix de la flûte et la voix de Jamaican avec un extrait de Élégie Palestine, Messe noire pour la paix. Merci. songe donc. Songe donc, Palestine. Mais que souffle ton silence? Songe donc, Palestine. Mais que souffle le silence de ta parole tue. Mais que souffle le silence de ta parole tuée. Songe donc. Terre blessée, songe donc, Palestine, mais que souffle ton silence, mais que souffle le silence de ta parole tronquée. Mais que souffle le silence de ta parole foulée. Mais que souffle le silence de ta parole niée. Songe donc. Songe donc. Mais que souffle ton silence. Mais que souffle le silence de ta parole floutée. Mais que souffle le silence de ta parole rayée. Mais que souffle le silence de ta parole réifiée. Songe donc. Songe donc. Terre blessée. Terre blessée. Terre blessée. Songe donc, Palestine, songe donc. Mais que souffle ton silence. Mais que souffle ton silence éloquent. Mais que souffle ton silence édifiant. Mais que souffle ton silence opérant. Songe donc. Songe donc. Terre blessée. Terre blessée. Songe donc, Palestine. Songe donc. Mais que souffle ton silence. Mais que souffle ton silence. Mais qu'il souffle dans l'espace. Mais qu'il souffle dans l'espace, irrité tout du soufre de tes affres et ton nom. Songe donc. Songe donc. Terre blessée. Terre blessée. Mais que souffle ton silence. Mais qu'il souffle dans l'espace imparti à la lettre persistante de ton nom. Terre blessée. Terre blessée. Terre blessée. Terre blessée. Thank you. Merci beaucoup. C'est vraiment hypnotique, en fait. C'est une messe noire ou une messe blanche pour la paix. Messe noire. Messe noire. En fait, tu es né donc à Paris, mais de parents venus d'ailleurs. Voilà, mes parents sont nés dans le sud du Cameroun, dans la forêt équatoriale. Et est-ce que l'écriture a été quelque chose, à ton avis, est quelque chose qui aide dans la diaspora ou dans le voyage, dans sa vie? Oui, ça aide, même si je crois qu'il y a des gens qui n'écrivent pas et qui vivent très bien, je l'espère. Mais je crois qu'à un moment donné, quand nous nous mettons à créer, qu'on soit de la diaspora ou non, ça répond au besoin de combler un manque, peut-être, sans que ça signifie qu'on est malade. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a des choses que l'on dit en créant, qu'on ne dit pas dans le langage articulé, dans les conversations que l'on a avec des gens. Parce que parfois, d'ailleurs, ce que l'on dit en écrivant n'intéresse pas beaucoup de gens autour de soi. Donc... C'est possible, effectivement. Oui. Et donc, parce qu'en fait, c'est vrai que ta poésie est très orale, et très... ça entre vraiment dans l'oreille et dans l'esprit. Et j'ai vu que dans les autres... ouvrage que tu as publié. Oui. Il y a ce titre Afro Blue Diaspora, poème rituel pour voix diverses et interventions musicales. Oui. Qu'effectivement, ça rappelle toute cette tradition aussi moi je pense, mais ça c'est moi, moi je pense à la poésie dans les peuples pré-islamiques. Donc des peuples semi-nomades, oui. Où effectivement la poésie et la littérature, c'était un art oral et donc très axé sur la répétition et sur le chant, la musicalité des mots. Ah oui, bien sûr, c'est un des indicateurs de l'oralité, parce que je ne prétends pas connaître l'oralité telle qu'elle a été pratiquée partout, mais c'est vrai que quand vous parlez de l'Arabie pré-islamique, hein, voilà. Eh bien, en Afrique noire, on retrouve cela. C'est-à-dire que quand on parle d'oralité, il faut quand même savoir qu'il s'agit de gens qui font du moins le choix, au moins, de privilégier la parole pour transmettre des valeurs et pour organiser leur société. Et donc, la poésie est un moyen de fixer et de transmettre, de perpétuer la culture. Hein. Ouais. Donc, il y a un poète négro-africain de grand renom, Senghor, qui définissait la poésie comme parole rythmée. Mais en fait, ce qu'il y a avec le travail que je fais, après d'autres, il y a l'idée de restituer à la poésie la part de rituel que la poésie convoquait. Et il ne faut pas forcément aller en Afrique pour se souvenir que la poésie se disait devant un public en situation de performance. Donc, je trouve ça très intéressant pour notre sujet, même si à premier abord, on ne voit peut-être pas le lien, mais c'est justement ce côté rituel d'une part et aussi répétition, donc fixation sans le côté négatif ou avec, ça dépend des cas, mais qui est justement... quelque chose qui peut qui a une relation avec cet équilibre ou cette tension dont on parlait avant entre la liberté et la créativité et l'éducation dans le sens de donner une structure aussi quelque chose qui peut fixer certaines valeurs ou alors oui structurer en fait pour le dire de façon plus neutre. Mais il faut savoir que on peut difficilement parler de tradition, donc de fixation de la mémoire et de la culture, sans parler aussi d'innovation. Ouais. Je pense que quand on examine presque toutes les sociétés, on se rend bien compte que même pour les mêmes actes, il y a eu des modifications au moment de produire les instruments, les accessoires et tout ce qui allait avec les actes qui étaient faits. Alors, quand on parle de répétition, la répétition ne signifie pas que l'on vide les choses de leur sens. Hein. À la limite, on peut se poser la question du sens de tel ou tel carnaval, dont on sait qu'il vient d'anciens rites agraires, mais dont personne ne se souvient plus. Je pense que c'est plutôt la répétition de ces anciens actes qui questionnent aujourd'hui. Quel sens donne-t-on à tel ou tel carnaval aujourd'hui, telle manifestation publique, alors qu'elle vient de depuis très longtemps. Oui, le sens doit être renouvelé, en fait. Ah oui, je renaître pense que, oui, et être recréé. De toute façon, parce que puisque vous parliez d'éducation à la créativité, je pense profondément que on ne peut pas faire l'économie du sens hein, quand on, dans le domaine de la créativité. Donc il y a répétition ou non, quel sens? Parce qu'ici, ce que vous venez d'entendre, c'est effectivement un recyclage hein, un recyclage dans lequel ne se reconnaîtrait sûrement pas mon grand-père s'il sortait de sa tombe. Il se demanderait peut-être ce que je suis en train de faire. Pourtant, je me réclame un peu de cela. Mais par ailleurs, j'ai aussi lu des textes sur la poésie grecque ancienne et ainsi de suite. Donc, mais justement, je crois que c'est vraiment dans cette tension, pas seulement un côté négatif, qu'il faut chercher la richesse. Parce que c'est pas une tension lien figé, c'est justement quelque chose de très dynamique. Donc, en fait, pour aller explorer cette tension et ce sujet sur donc, la relation entre éducation et créativité, donc apprendre à apprendre, on va maintenant parler avec quelqu'un un peu plus loin. Donc, Susanna là, qui va nous présenter cette thématique du côté de la méthode Feldenkrais. Bonsoir Susanna, bienvenue à Iketnunk. Bonsoir. Bonsoir. On t'appelle en Italie et on voulait ta contribution pour cette émission, pour tes connaissances dans un domaine très spécifique qui est en lien avec le thème de ce soir, apprendre à apprendre, comment éduquer à la créativité. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots en français d'abord et puis on peut passer à l'italien, comment ce thème s'est manifesté dans ta vie? Je m'excuse d'abord pour mon français parce que je suis très créative avec les langues et je ne sais pas parler très correctement ni une d'eux. Alors, je vais utiliser une façon créative la langue française et j'espère que vous m'allez comprendre assez bien. Le thème apprendre m'y a intéressé déjà quand j'étais presque enfant aux jeunes filles parce que je trouvais que c'était un grand dommage que mes professeurs ne savaient pas présenter dans une façon intéressante ce qu'ils voulaient que j'apprenne. Et c'était une décision de devenir professeur pour l'école pour pouvoir appliquer une apprendre que je pensais que c'était plus intéressant que ce que j'ai vécu dans l'école. D'accord. Donc j'ai devenu institutrice. Comme premier pas. Institutrice dans l'école primaire et secondaire en Suisse, parce que je vivais dans ce temps en Suisse, et j'ai commencé à enseigner à l'école. Et la première chose que j'ai essayé à réaliser, c'était ça que je pensais toujours que l'apprendre doit être facultatif. D'accord. Disons, on ne pouvait pas obliger la personne à apprendre. Mais tout de suite, je me suis trouvée dans un grand conflit avec l'école, avec l'institution de l'école. Parce qu'apprendre est toujours obligatoire. dans l'école statale, mais aussi même dans l'école privée. Et apprendre devient une obligation, une chose assez régulière et sans fantaisie et sans créativité, parce que je dois le faire dans un mot comme ils ont pensé les autres, pas comment je peux faire. Donc c'est une contrainte et il y a des schémas ou des programmes prescrits à respecter. Oui, et aujourd'hui c'est toujours comme ça, malgré qu'on a déjà fait des grandes recherches scientifiques qui disent que pour toutes les personnes, l'apprendre fonctionne une autre façon. Il n'y a pas deux personnes qui apprennent dans la même façon. D'accord. Et aujourd'hui, je pense, quand j'étais, se sont passées à peu près 30 années, quand j'étais à l'école comme institutrice, mais maintenant, aujourd'hui, c'est encore plus absurde comment on veut que les enfants apprennent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le computer. Mm-hmm. Et quand même, à l'école, en tout cas en Italie, où je vis maintenant, on apprend beaucoup, beaucoup des règles, des choses par cœur. On doit savoir. Et quand même, nous savons qu'après quelques années ou déjà quelques mois, nous avons oublié toutes ces dates, toutes ces choses que nous avons apprises par cœur. Oui. Donc, je pense qu'il faut commencer à apprendre vraiment. Ça veut dire pas apprendre les dates, mais apprendre de comment fonctionne mon cerveau et mon système nerveux, ma mémoire, et comment je peux utiliser dans la meilleure façon ce que j'ai. Ce système. Donc, quel a été le deuxième pas que tu as fait à la découverte des façons d'apprendre? Oui, j'étais vraiment déluse de l'école. On ne m'a pas laissé faire ce que je voulais faire. J'avais dit aux enfants que l'école était facultative, qu'on faisait des recherches, toutes les choses que je trouvais que c'était le chemin juste pour faire apprendre dans un système très créatif. Et ça fonctionnait très, très bien avec les enfants. Ils aimaient aller à l'école. Ils venaient tous les jours, aussi l'après-midi, quand ils ne devaient pas venir. Mais j'avais des grands problèmes avec l'administration de l'école. Mm-hmm. Et disons, la fin de ce conflit, c'était ça que je me suis éloignée. Je suis allée... J'ai quitté l'école. Oui, j'ai quitté l'école. Et j'ai commencé à faire un autre truc qui m'intéressait beaucoup, c'était le théâtre. Donc, vers la créativité. Et c'était évident que théâtre, c'était un truc assez créatif, mais aussi là, je me suis trouvée dans le théâtre conventionnel que je voulais d'abord faire. Je voulais aller dans une école conventionnelle. J'ai vu que de nouveau, je devais réciter les rôles comme ils étaient pensés. Il ne fallait pas demander rien de tout. Ils m'ont dit, si vous voulez devenir actrice, alors vous n'avez pas de demander, mais vous avez à réciter. Mm-hmm. Et alors, j'ai renoncé à cette carrière classique. J'ai commencé à faire théâtre libre, qui est très différent, très difficile, parce que naturellement on ne peut pas gagner beaucoup d'argent. Mm-hmm. Et seulement avec la vie créative on ne peut pas vivre, disons, on ne mange pas. Mais et donc comment ça se fait que intéressant. Comment ça se fait que maintenant tu es à nouveau quelque chose comme un professeur? Oui, maintenant, je suis devenue institutrice de méthode Feldenkrais. Et ça, c'est une méthode qui s'occupe absolument comment on apprend à apprendre. Disons, nous sommes peut-être maintenant dans le centre, dans le corps du thème. Mm-hmm. Et moi, après passant au théâtre, quand j'ai étudié théâtre à Berlin, j'ai connu ce méthode Feldenkrais et il était fondé de Moshe Feldenkrais, qui est israélien, d'origine russe. Et j'ai connu cette méthode dans ma recherche théâtrale. Mais j'ai trouvé, dans le moment que j'ai connu la méthode, que c'était très long. Et j'avais trop d'énergie pour arriver à étudier vraiment cette méthode, aussi si j'ai compris que c'était très, très intéressant. Et cette méthode Feldenkrais, elle se base sur le corps et la prise de conscience par le mouvement du corps. Et là, j'ai vraiment trouvé un mode d'apprendre que pour moi, c'est vraiment une révolution. Mais c'est une révolution pas tellement comprise. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont compris vraiment qu'est-ce que c'est apprendre. À apprendre et peut-être en disant je peux dire dans un mode divers peut-être il y a des personnes qui ont compris que quand on apprend comment on doit apprendre en liberté, parce que je pense la base c'est la liberté et qui me porte dans la créativité. Il y a des personnes qui ont compris c'est ça entre dans nos têtes. Apprendre en liberté, c'est très, très dangereux. Et pour ça, il y a beaucoup de personnes qui veulent éviter qu'on puisse faire cela. D'accord. Parce que dans ce moment, on commence à penser ce qu'on veut. Oui. Effectivement, ça peut être très dangereux. Alors, qu'est-ce qui est la créativité pour Feldenkrais? Alors, comment, disons, une vérité, apprendre pour Feldenkrais est déjà créatif. Parce qu'autrement, pour Feldenkrais, ou pour moi, mais ce n'est pas moi qui a trouvé cette solution, c'est lui. Apprendre, ça veut dire nous ne voulons pas savoir beaucoup comme d'instinct, comme les animaux, instinto. Instinct, oui. Oui, instinct. Mais nous avons laissé beaucoup libre notre cerveau, notre système nerveux, pour pouvoir apprendre beaucoup. Alors, je sais presque faire rien quand je suis née. Oui. Et je vais apprendre tout dans ma façon. D'accord. Ça veut dire, si j'apprends diversement de l'autre personne, alors, le résultat serait que les deux personnes qui ont appris d'une autre façon les choses seront des très, très diverses. Mm-hmm. Et c'est ça, ça se passe avec l'homme et tu vois que, disons, un Chinois est très divers d'un François, d'un Français ou d'un Allemand ou d'un Italien, parce que déjà la langue qu'il apprend, toute la culture, toute la gesticulation, c'est très très divers. En fait, donc, ce qui caractériserait l'homme serait la liberté. La liberté et l'apprendre tout ça en liberté. D'accord. Et liberté, quand je peux apprendre en liberté, c'est tout de suite, je suis déjà dans la créativité, parce que je dois inventer où je vais. Hein? Oui. Parce qu'il y a personne qui me dit tu dois faire comme ça et comme ça, imite-moi parce que c'est juste. Oui. Quand je dois, moi, trouver le chemin juste, alors ça veut dire que je deviens, je dois être créative. Non? Oui. Parce qu'il n'y a pas une une autoroute fait pour moi où je dois aller. Non, je dois chercher pour m'orienter. Et disons, c'est très intéressant dans le développement de l'homme parce que ça se passe jusqu'à ce que les enfants ne vont pas à l'école. En vérité, c'est très intéressant aussi si tu regardes les enfants. Les enfants sont très jolis, très, très beaux, très, très intéressants. Jusqu'à ils ne vont pas à l'école. Quand ils commencent à aller à l'école, ils commencent à devenir tous un peu plus égaux. Oui, plus égaux. Ils se ressemblent plus l'un l'autre. Mais alors, oui. Quelle serait la façon dont on peut aider quand même quelqu'un à se développer? Est-ce qu'il y a moyen d'éduquer à la créativité selon Feldenkrais? Oui, la seule possibilité est de commencer avec notre matériel que nous avons, ça veut dire avec mon corps et mon cerveau. Et c'est ça que fait un petit enfant parce qu'il est dans ce lit et les grands, heureusement, ils pensent « Ah, mais maintenant, il est encore trop petit pour apprendre quelque chose. » Et ils le laissent seul parce qu'ils sont très contents. S'il ne va pas pleurer, il ne veut pas manger, la maman et papa sont un peu fatigués, ils laissent seul l'enfant. C'est sa grande fortune parce que comme ça, il commence à apprendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sentir son corps, il sent que c'est très agréable quand il porte, par exemple, la main à la bouche. Et il va faire des expériments. Et nous disons, il fait rien, il fait seulement des mouvements qui ne sont pas coordonnés, ils sont comme ça, chaotiques. En vérité, disons, Feldenkrais était un physicien. Il avait déjà dit « le chaos, c'est la plus grande loi de la nature ». Et en vérité, l'enfance suit le chaos dans le mouvement et il va découvrir des choses. Dans la liberté. Découvrir, comment ? Dans la liberté, en fait. Dans la liberté, parce qu'il n'y a personne qui dit « prends maintenant ce main et porte-la dans ta bouche. » Non, non, il va peut-être trouver qu'il veut porter sa main dans sa bouche ou peut-être il porte le pied dans la bouche. Et à des âges plus... Quand les personnes sont plus âgées que cet âge-là, est-ce qu'alors ça serait suffisant de faire couler l'apprentissage par le corps ou est-ce qu'il y aurait quand même besoin d'autre chose? Et notre grand problème, c'est la société, parce que nous serons mis dans la société et où ils nous disent qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Et alors ça nous crée vraiment un grand problème, parce que nous allons faire des choses que nous ne voulons pas faire, que nous ne pouvons pas faire. Et alors, nous allons perdre notre liberté et notre individualité. D'accord. Alors, je peux te lire peut-être Citation? Une citation de Feldenkrais, parce que c'est très intéressant. Alors, il demande « Êtes-vous satisfait de votre vie ?» Autrement dit, « Avez-vous le sentiment d'avoir utilisé au mieux votre patrimoine génétique ? Avez-vous appris à faire ce que vous avez souhaité à faire de vous-même et comment y parvenir ? Souffrez-vous de douleurs chroniques ? Regrettez-vous de ne pas pouvoir faire tout ce que vous auriez voulu faire ? Je crois que ce que vous souhaitez secrètement n'est pas utopique. tout le monde peut avoir ce qu'il veut faire et que nous sommes tous en mesure de vivre comme nous l'entendons. Le principal obstacle, c'est l'ignorance. L'ignorance scientifique, l'ignorance personnelle et l'ignorance culturelle. Et si nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire, nous ne pouvons jamais faire ce que nous voulons faire. Alors, l'idée est ça, qu'à travers à travers la prise de conscience par le mouvement, parce que le mouvement, c'est la chose plus simple pour prendre conscience, parce que c'est la chose plus objective de notre corps. En vérité, si tu vas faire l'analyse, la psychanalyse, alors tu fais une prise de conscience des pensées. Par l'intellect. Oui, par l'intellect, c'est aussi possible, mais c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Et en effet, c'est beaucoup plus long. Il faut 10 années pour faire une psychanalyse. Et si tu pars à travers le corps, c'est beaucoup plus simple parce que c'est beaucoup plus évident qu'est-ce que tu es en train de faire et qu'est-ce que tu es en train de sentir. Et nous partons dans la méthode Feldenkrais du corps. Et quand nous prenons conscience du mouvement et de ce que nous faisons, nous commençons à faire ce que nous voulons faire. Et ça transforme aussi la pensée. Et nous commençons à pouvoir aussi penser qu'est-ce que nous voulons penser. Merci beaucoup, Susanna Lacchi, de l'Italie. Merci à vous. Et j'espère que vous avez compris qu'est-ce que je disais en français, parce que c'est beaucoup de temps que je ne parle plus français. C'était très clair et je suis sûre que nos auditeurs ont beaucoup de fantaisie, beaucoup d'inventive dans l'écoute. Ok, merci beaucoup. Et une bonne soirée encore. Merci, au revoir. Donc on va continuer notre voyage dans l'apprentissage par quelque chose de aussi très corporel. Donc on va encore écouter des extraits de Jamaican. Donc le premier, ça va être un extrait d'Élégie Palestine à nouveau, donc Messe noire pour la paix. Et le deuxième, un extrait d'Afro Blue Diaspora, cette fois accompagné par Antoine à la flûte. Et donc oui, je laisse le micro à la voix qui nous reporte du côté de la créativité. Ramallah, la mère en deuil de Ramallah souffre de dans son corps sans nourriture. À Ramallah, la mère en deuil de Ramallah souffre de dans son cœur sans réconfort. À Ramallah, mais la mère en deuil de Ramallah ne voue pas son pertinent silence au malvenu mutisme et des mots tus et tus par l'occupant brisé sans pitié, et des cris tus et tus de tous ces tués et tués et tués et tués et tués et tués et tués et tués. À Ramallah, la mère en deuil de Ramallah parfois sourit sans sourire, mais jamais elle ne pleure sans jamais qu'elle ne pleure, ni jamais s'en relève sans aller à son but. Et les enfants ne me naîtront plus au bord de la tombe, qu'elle dit. Et les enfants ne me vivront plus au bord de la tombe, qu'elle dit. Et les enfants ne me joueront plus au bord de la tombe, qu'elle dit. et les enfants ne me jouiront plus au bord de la tombe, qu'elle dit. Et les enfants ne me mourront plus au bord de la tombe, qu'elle dit. Et la tombe même qui nous échoit, dit-elle, moi, je m'en vais la questionner en face. Et même ma tête a coupé. Et même ma tête a coupé. Et même ma tête a coupé. Et même ma tête a coupé. Il n'y a poème que dans la lutte. Il n'y a poème que dans la joute. Il n'y a poème que dans la quête. Il n'y a poème que conquête. Il n'y a poème que conquête, mais la promesse énoncée dans le chant. Parce que poème chante, parce que poème danse, parce que poème dit. Il dit bien que poème ne sera point poème de bouche qui fermeront leur bouche. Il dit bien que poème ne sera point poème de bouches qui oublieront d'être bouches. Parce que poème chante, parce que poème danse, parce que poème parle, parce que poème dit. Il dit bien que poème, c'est entendre le souffle, c'est comprendre le souffle, c'est commettre le souffle, c'est répandre le souffle et éteindre l'éterne lanterne de la misère éternelle. Parce que poème chante, parce que poème danse, parce que poème parle, parce que poème dit. Il dit bien que seul un éveil impétueux nous promet la jouissance des bénéfices du doute que nous accordent les dynamiques de l'histoire au travers de nos transhumances, au travers de nos transcendances, au travers de nos troubles trans. Ayez-les. Manbok for Rambala Zanga for Wongaba Zanga for Wumimbe Zanga for Womanzang. Eyele Aman Mongan Tangan Zanga Yarlui Long Zanga Yarlui Long Zanga Yarlui Long. Oh oh oh. Parce que poème parle, parce que poème chante. Bien que seul un éveil impétueux nous promet la jouissance des bénéfices du doute que nous accordent les dynamiques de l'histoire au travers de nos transhumances, au travers de nos transcendances, au travers de nos troubles trans, au nom de la liberté et de l'égalité et la fraternité. Merci beaucoup, Jamaican et Antoine à la flûte. Donc, c'était une belle conclusion pour cette soirée, parce que notre temps s'est déjà écoulé pour aujourd'hui, mais on se retrouve ici dans 2 semaines et très bientôt aussi avec Jamaican, probablement. Mais on annoncera ça plus tard. Donc, je voulais rappeler. Donc, la musique qu'il y avait en arrière-fond, Benjamin, c'était quoi ? En arrière-fond, la musique, il y avait... En fait, voilà, vous l'avez peut-être, c'était un peu discret comme ça, mais il y avait Coldbound, du Lounge, toujours en Creative Commons. Donc voilà, et on va terminer. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Et je voulais aussi rappeler donc, que l'école de pouvoir dont vous avez peut-être eu l'envie d'envoyer, de la conseiller à vos amis, connaissances, qui auraient peut-être entre 13 et 18 ans, par exemple, ou alors entre 6 et 12 ans. Ben, pour les 13-18, en tout cas, il y aura Jamaican avec... sa poésie que vous avez pu connaître aujourd'hui ici à Iketnunk. Et donc l'école de pouvoir, le premier cycle, c'est le 27 février, 6 mars et 13 mars, donc 3 après-midi, à l'espace Sangor à Etterbeek. Et pour plus d'infos, on vous conseille d'aller sur le blog, donc c'est www.école, sans accent, -d-pouvoir.com. Tumblr, ça veut dire tumblr.com. Donc ça, c'est le blog. Et là, vous trouvez aussi le lien pour le blog de Jamaican, où il y a toutes les infos aussi, je crois, des autres ateliers que tu fais. Pas toutes, mais... quelques infos. En tout cas, disons, plus d'infos sur ton travail, sur les ouvrages publiés chez Maestro, mais ailleurs. Oui. Et donc, le lien à ce blog, on le mettra aussi sur le blog de la radio. Oui. Qui est, donc, je le rappelle pour tout le monde, www.iketnunk, donc H-I-C-E-T-N-U-N-C-radio.com. tumblr.com. Je voulais simplement préciser que mon blog est en cours de construction, mais on peut déjà voir une vidéo, voilà, notamment. Quelques photos. Oui, éventuellement. Éventuellement. D'accord. Donc, on va découvrir tout ça sur le réseau parallèle qui est celui d'Internet. Et sur les ondes de la radio, on se retrouve dans 2 semaines. Je remercie vraiment beaucoup nos invités ici en studio. Je remercie nos invités par téléphone. Et je remercie Benjamin à la régie. Et on se retrouve le 5 mars à Iketnunk.